téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, pourquoi le zoo ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'enfance à regarder nager les pingouins ou se plonger dans la gueule de l'hippopotame. Les animaux en cage, c'est une longue histoire qui vaut la peine d'être creusée. Alors pour commencer, les personnages. Hugo, un fils ému et directeur de zoo, une historienne qui scrute, un historien qui rapproche, des animaux mal en point, un petit buffle furieux, Marguerite Duras et un visiteur dubitatif. Ensuite, le décor. La nature soumise, la décolonisation, des comportements, des ménageries princières, la révolution, la liberté, un vivarium, le muséum, des animaux empaillés, des croquis, la captivité, la souffrance, des jardins, la chasse, une loi de l'élevage et du trafic. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ouvre une lettre. Mon doux Georges, viens voir une ménagerie quelconque, chez Buffon, au cirque, n'importe où. Sans sortir de Lutèce, allons en Assyrie. Et sans quitter Paris, partons pour Tombouctou. Quand le grand-père Victor Hugo écrit ce poème à son petit-fils Georges, on est en 1877. La ménagerie du Jardin des Plantes existe depuis plus de 80 ans. Les promeneurs sont alors nombreux à déambuler devant ces bêtes curieuses, exposées dans des cages, les unes après les autres, un peu comme dans un musée qui présenterait des trophées et objets venus d'ailleurs. La vie des animaux sauvages en France et plus généralement dans le monde occidental n'a pas beaucoup de valeur. Ce sont des vies mises à disposition qui sont là pour raconter l'homme blanc conquérant le monde. 150 ans plus tard, le Jardin des Plantes et tous les autres zoos ont beaucoup changé. Ce ne sont plus des ménageries, ce sont des parcs zoologiques. Les animaux sont toujours là, mais ils sont devenus des êtres vivants, avec certes des besoins fondamentaux, mais aussi en perpétuel mouvement. Ils s'adaptent, ils éprouvent, parfois on dit qu'ils réfléchissent. Comment sont-ils devenus si complexes, si mystérieux? Et comment les zoos se sont adaptés à ces nouveaux animaux? C'est toute une histoire. Viens voir les léopards de tir, les gypaètes, l'ours grondant, le boa formidable sans bruit, le zèbre, le chacal, l'once et ses deux poètes. L'aigle ivre de soleil, le vautour plein de nuit. De la ménagerie au parc zoologique. Vous êtes parti à quelle heure ? 6h30. Ah ouais. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc, seule la passion m'habite, comme disait mon grand-père. Et pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir connu les zoos qui étaient des ménageries, le zoo de mon père qui était une ménagerie. C'est pas qu'il voulait que ce soit une ménagerie, c'est parce qu'à l'époque, il arrivait des animaux de partout. Pierre Gay, directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine pendant 40 ans. Tous les lundis matins, on nous amenait des oiseaux blessés. Il n'y avait pas la loi sur la protection de la nature. Donc le lundi matin, c'était « Allons-y, je te ramène des buses, des hérons, des blaireaux, des loutres à moitié écrabouillées. » Un cirque faisait faillite à 30 km de chez nous. Il y avait une lionne malade. Mon père montait dans l'estafette, s'arrangeait avec deux, trois collègues. « Toi, tu peux prendre le lion. Oui, d'accord. Bah, moi, je vais prendre la hyène et toi, tu vas prendre l'ours. » Alors, évidemment, ça ressemblait plus à une ménagerie, mais parce qu'il fallait mettre tous ces animaux quelque part. C'est une sorte de centre de refuge débordé. Il y avait la décolonisation. Les gens arrivaient, au début des années 60, les gens arrivaient du monde entier, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, avec des bestioles dans les valises, des singes, des tortues. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi mon adolescence. Et quand j'ai terminé mon adolescence et que je me suis retrouvé à devoir travailler dans cet endroit, le paradis que j'avais imaginé enfant, parce que c'était un paradis, c'était un endroit incroyable, c'était un écosystème en soi, ces carrières abandonnées là. Et ben il avait pas la même saveur, il avait plus la même tronche, parce que d'un seul coup, vous vous dites, ah ben, je vais passer ma vie là-dedans et qu'est-ce que je vais faire de ces animaux en cage, quoi. En fait, c'était ça, quoi. C'était ça mon histoire. Et ma première action réellement, ça a été de dire, on peut plus garder d'animaux sauvages dans des conditions pareilles, c'est impossible. Nous aurons, sous de très sûrs abris, le spectacle des loups, des jaguars, des gazelles et l'éblouissement divin des colibris. Sortons du bruit humain. Viens au jardin des plantes. Penchons-nous à travers l'ombre où nous étouffons sur les douleurs d'en bas, vaguement appelantes, et sur les pas confus des inconnus profonds. C'est un métier aujourd'hui. Voilà. J'allais dire que c'est un métier qui a évolué. Moi, quand j'ai commencé à bosser, c'était pas un métier. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un métier qui regroupe des tas de professions. Moi, j'ai eu cette chance incroyable où c'était la passion qui emmenait tout. Moi, mon père, il avait un principe. J'ai commencé à bosser à 7h30, je faisais le tour du parc jusqu'à 13h. Et j'avais un carnet et je devais revenir tous les matins avec 5 remarques décrites. Ça pouvait être, tiens, bah, y a le lion, là, il fait la gueule, il aura mal aux dents, je vous le dis simplement, mais voilà. Ou alors, il y a un tuyau d'arrosage qui n'a pas été rangé, les gens vont se prendre les pieds dedans. Il fallait que je rentre avec 5 choses. C'était vraiment une façon de travailler. Et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, bien entendu. Et moi, j'ai regretté très longtemps, quand mon père m'a confié les rênes de l'entreprise, de devoir signer des chèques plutôt que d'observer mes animaux, vraiment. Maintenant, c'est délégué à des responsables techniques, des responsables animaliers, des vétérinaires. Mais avant, tout reposait sur mes épaules. Et c'est vrai que c'est une autre école. Et j'ai beaucoup aimé ça, même si c'était très prégnant pour ma vie et pour ma famille. Il n'y a jamais eu d'âge d'or entre l'espèce humaine et son environnement naturel. Il n'y a jamais eu cet âge d'or que s'imaginaient les Grecs et les Romains, ou le paradis terrestre des chrétiens, avec une phase d'harmonie, comme ça, où tout le monde vivait en paix les uns avec les autres. Ça n'a jamais existé. Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement. Et ce que l'on peut observer, c'est que l'être humain, ce super prédateur, s'est installé en conquérant sur la planète, et c'est la seule espèce à avoir pu conquérir par sa capacité à transformer les écosystèmes dans tous les écosystèmes de la planète. De l'extrême nord aux tropiques, des déserts aux forêts tropicales ou tempérées, c'est une réussite absolument incroyable. Et cette réussite, il la doit notamment à sa capacité de chasser. La chasse occupe une place considérable dans l'histoire humaine, et les animaux se sont adaptés. Enfin, ceux qui ont pu s'adapter, parce qu'il y a énormément d'animaux qui ont disparu lors de cette colonisation de la planète. Et les autres qui se sont adaptés dans la peur constante de la présence humaine. Certaines espèces, par exemple européennes, sont plutôt nocturnes, non pas parce qu'elles sont nocturnes naturellement, mais parce que c'est le seul endroit où elles peuvent en quelque sorte survivre. Le renard, par exemple, c'est pas une espèce nocturne à la base. Et du coup, on sait que beaucoup d'animaux sauvages peuvent être habitués à la présence humaine, mais lorsqu'on étudie le taux d'hormones de stress d'animaux dans la nature, dès qu'il y a des êtres humains, ce taux d'hormones de stress augmente. C'est assez logique compte tenu de l'histoire qui nous relie à ces animaux-là. Donc, lorsqu'on aborde la question du jardin zoologique, il faudrait quasiment se replacer dans cet héritage. Avancez-vous, mes squelades, avancez! Tenez, remarquez, voici le premier de nos reptiles. C'est un véritable serpent python, provenant des Indes. Remarquez les couleurs que le reptile possède sur son corps. Je défends le peintre le plus habile, le plus adroit, qui pourrait imiter les couleurs du reptile. Mesdames, messieurs, les animaux qui ont vécu dans la brousse, de féroces, capturés par moi-même. Des animaux qui ont le souvenir de leur liberté, aussi beau, aussi frais, comme il n'aurait jamais été privé. C'est l'attrait pour le sauvage, l'attrait pour l'exotique, l'attrait pour des animaux merveilleux qui viennent d'ailleurs et qui disent la puissance du propriétaire. Éric Baratet, historien spécialisé dans les relations entre humains et animaux. Donc ça, c'est très ancien, on en voit dès l'Antiquité, en Égypte, en Chine ancienne, à Rome, à Versailles, par exemple, au XVIIe siècle, c'est le premier zoo contemporain. C'est avant tout une monstration. Pour le propriétaire, on montre sa prodigalité, sa superpuissance, comme Louis XIV, par exemple, qui montrait comme ça qu'il soumettait les animaux de la terre comme il soumettait les plantes. Le jardin à la française, avec des arbres taillés en forme géométrique, les buissons bien taillés, etc., on soumet la nature à l'ordre rationnel humain. Le roi soleil, le maître de la nature, Si la nature se soumet à lui, a fortiori les sujets. La nature montre l'exemple, donc il est le maître de tout. Et donc les premiers animaux, ce sont des oiseaux, essentiellement. Et puis ensuite, ça s'est diversifié petit à petit, au fur et à mesure des achats, en sachant que ça variait beaucoup, mais arrivait qui pouvait arriver, parce que la mortalité dans le voyage entre l'Afrique, par exemple, et la France était absolument énorme. Mais on peut y trouver des castors, on peut y trouver des panthères, des lionceaux, etc., etc. Avec le fait qu'il y a aussi des animaux très extraordinaires qu'on ne peut pas voir. Il n'y a par exemple pas de girafe à Versailles. Il faut attendre 1827 pour voir une girafe vivante à Paris. Il n'y a pas de rhinocéros. Lorsque un rhinocéros apporté par un montreur passe à Versailles sous Louis XV, au milieu du XVIIIe siècle, Louis XV veut l'acheter. Le rhinocéros est trop cher, il ne peut pas se l'offrir. Ça montre quand même le caractère absolument extraordinaire de certains de ces animaux, encore au XVIIIe siècle. Pendant ce temps, dans le rocher des éléphants, les éléphants un à un sont libérés de leur chaîne. À la Révolution, on saccage la ménagerie, une partie des animaux sont tués, mangés, les autres, on ne sait pas bien quoi en faire. Et du coup, on les amène au muséum, et c'est comme ça que se crée la première ménagerie. Et l'autre source de provision, d'approvisionnement aussi, c'est les montreurs, puisque la Révolution, notamment à Paris, on va interdire et confisquer les animaux des montreurs, parce qu'on trouve que c'est une image de servitude. Il s'agit, à travers la Révolution, Violette Pouillard, chercheuse en histoire des zoos et de la conservation, de donner aux animaux captifs, aux animaux enfermés dans les ménageries, de nouvelles formes d'existence plus libres au sein même de la captivité. Et c'est là l'utopie de la ménagerie du Jardin des Plantes. Il s'agit de ne plus enfermer les animaux. Les termes utilisés à l'époque sont extrêmement durs dans les fers de Versailles, dans la prison de Versailles, mais de leur donner plus de latitude. Et c'est là tout le paradoxe finalement originel du zoo moderne qui veut libérer les animaux, mais sans arriver, sans vouloir les libérer hors de cet enfermement. Et au moment même où on délivre les sujets, on les transforme en citoyens, il n'est pas normal d'avoir devant soi des images de captivité. Donc on réquisitionne des ours, des loups, etc. Et tout ça file au Jardin des Plantes. Mais la petite singerie nous ouvre ses portes, toutes retentissantes du caquetage des singes, du roucoulement de ses pigeons exotiques, des sifflets stridents de ses perroquets. N'oubliez pas d'admirer sur son perchoir, malgré tout ce vacarme, le plumage vert-olive et les yeux rouges du magnifique touraco du Sénégal. C'est pour moi l'être vivant le plus purement beau, le plus parfait créateur de rêves de tout le muséum d'histoire naturelle. Cette ménagerie du Jardin des Plantes, elle devient un modèle, elle inspire très vite d'autres créations, en particulier le zoo de Londres en 1828. Et puis là, vous avez toute une généalogie de zoos qui vont se former. Alors un des points communs de ces institutions, c'est la fonction scientifique. Donc il est très clair qu'il ne peut plus s'agir d'exposer des animaux juste pour le bon vouloir des princes, ou pour l'apparat, ou pour manifester ses victoires diplomatiques, mais que ces animaux doivent être utilisés, en tout cas c'est l'idéal de la ménagerie, au service de la nation et au service du peuple. C'est un moment, le 19e siècle, de démocratisation de l'accès aux animaux, pas uniquement dans les zoos, d'ailleurs dans les musées. Tréton va vouloir, tant pour servir la fonction récréative que la fonction scientifique, présenter un maximum d'animaux, une grande diversité d'espèces animales. Et donc le zoo devient une encyclopédie vivante qui forme en fait le pendant des musées d'histoire naturelle qui leur sont d'ailleurs très souvent juxtaposés. On entre dans le vivarium du zoo, de la ménagerie. Non, de la ménagerie du zoo, de la ménagerie... Axotolt, du Jardin des Plantes. Axolot, Mexicanum, classe, amphibien, ordre, urodèle. Alors justement, pour donner aux jeunes le goût des sciences naturelles, il faut que le zoo présente un caractère scientifique, l'a-t-il ? Il l'a tout à fait, parce que non seulement vous avez des collections animales présentées au public qui sont identifiées, chaque espèce ayant fait l'objet d'un diagnostic d'espèce et ensuite de l'établissement d'une fiche d'identité sur laquelle sont portés tous les incidents de la vie, incidents pathologiques, incidents psychologiques, comportements. Toutes les observations qui peuvent être faites pour chaque espèce sont inscrites de cette sorte. Et d'autre part, les derrière le parasitologique... Et c'est la description du vivant. Vous avez aujourd'hui 1 700 000 espèces, et toutes les espèces qui ont été décrites, elles ont été décrites à partir d'un spécimen qui se trouve quelque part dans un des musées d'histoire naturelle du monde. Ce spécimen s'appelle le type. Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et dans la zoothèque du muséum, vous avez par exemple le type du panda, qui a été décrit par le père David, qui était un missionnaire mais également un scientifique du muséum et qui a passé plusieurs années en Chine et qui a donc décrit un grand nombre d'espèces et qui a rapporté beaucoup d'animaux, de naturalisés et de planches d'herbier dans les collections du muséum. Donc toutes ces collections inertes constituent un patrimoine énorme du musée d'histoire naturelle. Et donc Bernardin de Saint-Pierre a eu l'idée de présenter des animaux vivants en parallèle de ces collections inertes du muséum. Nous avons reçu un gros arrivage samedi matin. Cela consiste une girafe, beaucoup de singes. Oui. Une girafe, quel âge a-t-elle? Elle est jeune ou vieille? 18 mois. 18 mois, elle est grande? Elle est grande, elle mesure 3 mètres 10. Mon Dieu, si ça arrivait à un enfant, vous vous rendez compte, un enfant qui aurait à peine cet âge-là, qui mesurait 3 mètres 10, ce serait effrayant. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez reçu? Ensuite, nous avons reçu... Les crocodiles aussi, je crois. Les crocodiles, mais malheureusement, pendant le transport, ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté? C'est la chaleur, sans doute, les fatigues. Oui. Voilà la fameuse rotonde. Un des pensionnaires les plus remarquables que nous ayons eus, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue spectaculaire, c'était le gorille, qu'ont connu beaucoup de Parisiens. Il avait dû rester un nom, Arthur, oui. C'était celui qui a eu la poliomyélite, la paralysie infantile. Poliomyélite, et c'est sur lui qu'ont eu lieu les premiers essais de vaccination, de traitement. Par le sérum, oui. Ce sérum qui, à l'heure actuelle, sauve des enfants. Il en était resté... notablement infirme, oui, ça ne l'a pas empêché de battre le premier record de longévité des gorilles en captivité. Il a vécu 9 ans, alors que les gorilles précédents vivaient tout juste quelques mois. Alors la rotonde, c'est un bâtiment qui a été construit entre 1802 et 1812. Le premier animal qui a vécu à l'intérieur était un éléphant que les armées de la Convention avait rapporté 1898, on est allé aider les Hollandais à faire leur propre révolution. Et donc l'armée française a confisqué tous les animaux qui étaient dans la ménagerie royale d'Arnhem, du Stadhouder de Hollande, et ont ramené ces animaux à Paris. C'est un des éléphants d'Arnhem, Pariki, la femelle, le mâle était mort entre-temps, qui a été le premier mammifère à vivre dans ce bâtiment. Et ensuite, vous avez eu pendant 200 ans des éléphants, des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, tous les grands herbivores qui ont vécu ici. Une dernière question. Vous n'avez pas eu d'incident majeur au cours de tous ces emballages, ces transports jusqu'ici? Nous avons eu simplement de grosses difficultés pour embarquer Jumbo dans sa caisse à la gare de Yaoundé. Là, il a fallu l'amarrer par un antérieur, l'antérieur gauche, avec une chaîne, une très forte chaîne, et nous l'avons fait tirer par un treuil. Et bien entendu, Jumbo a trouvé la plaisanterie de très mauvais goût et a commencé à enfoncer le fond de la caisse avec sa tête. De sorte qu'il a passé sa tête par le fond de la caisse, à l'extérieur, et il y est resté pris comme dans un carcan. Il a fait le voyage de Yaoundé à Douala, comme ça, pendant une nuit et un jour. Et il est arrivé à Douala, il y est resté pendant 5 ou 6 jours en attendant l'embarquement. Toujours coincé. Malheureusement, il a eu une plaie sous l'encolure d'1,80 m de longueur. Cette plaie, nous avons réussi à la guérir très bien, d'ailleurs avec de l'eau de mer 2 fois par jour, ça s'est très bien passé finalement. Il n'a pas eu le mal de mer? Il a eu le mal de mer sur les côtes de Portugal et un peu surtout en rade à Cotonou. C'est épouvantable, hein, un éléphant dans une boîte ayant le mal de mer. Eh bien oui, ça l'a fait maigrir, mais j'espère qu'il va pouvoir se retaper aux eaux. Au début, c'est de l'à peu près, hein. C'est du provisoire et ça se crée, les bâtiments sont créés essentiellement sous l'Empire et puis sous la Restauration, hein, entre les années 1800 et 1830 à peu près. Alors, on crée là ce qu'on appelle le premier jardin zoologique, c'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments où sont les animaux sont dispersés dans un jardin à l'anglaise. À l'époque, c'est relativement important pour les gens. C'est un jardin donc fait de petites allées qui sinuent, qui tournent, de bosquets d'arbres, et on disperse les bâtiments le long de ces chemins. Et l'idée, c'est que en se promenant, eh bien, petit à petit, on découvre. On va de bâtiment en enclos, etc. Et donc, on découvre petit à petit les animaux. C'est une promenade au milieu des animaux, d'où le terme de jardin. Zoologique. Nous avons ce lamantin dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons deux lionnes, nous avons une très belle panthère, 45 singes, une cinquantaine de singes, nous avons des gorilles. Un très beau gorille et cinq chimpanzés. Quel âge, un grand C'est un petit gorille, un petit gorille de 24 mois, encore tout petit. Tout petit. Un bébé. Petit, l'équipage du bord l'avait adopté comme mascotte. Et tous les jours, il allait faire sa promenade, on lui donnait des oranges, lui donnait des bananes et toutes sortes de friandises. J'ai remarqué qu'ils sont très affectueux, c'est-à-dire qu'ils prennent les hommes pour leur mère et ils ne mordent que quand on les dépose par terre, exactement, que quand on les laisse. Ce petit gorille n'était heureux que dans les bras du personnel de l'équipage. D'ailleurs, je dois dire et je dois signaler que nous avons été très aidés par le commandant du Bacala, du motorship Bacala des chargeurs réunis, ainsi que par son état-major et par tout l'équipage. On avait aménagé à bord une magnifique tente, exactement comme pour une ménagerie foraine. Il y avait un cirque en balade. Absolument un cirque ambulant. Et de temps en temps, nous avions des indigènes qui venaient visiter la ménagerie. Aux escales. Aux escales. À un certain moment, nous n'avions plus rien à faire à donner à manger à nos animaux. Alors je leur ai demandé une petite dîme de 3 oranges par indigène. Alors le zoo va, mais c'était déjà le cas des ménageries princières, mais c'est évidemment ascendant avec les zoos du 19e siècle. Donc le zoo est un lieu en fait d'approvisionnement constant en animaux et il déploie des réseaux absolument tentaculaires pour s'approvisionner. Puisque c'est un endroit encyclopédique qui rassemble des centaines d'espèces différentes, il attire à lui des animaux du monde entier. C'est un lieu de monstration du monde. Et donc, les réseaux d'approvisionnement vont s'appuyer en particulier sur l'emprise coloniale, c'est-à-dire que les employés, alors d'abord les voyageurs naturalistes, et puis les employés aux colonies, au fur et à mesure qu'on va passer d'une conquête à une administration à proprement parler coloniale des territoires, tous ces acteurs de l'expansion impériale vont participer à l'approvisionnement. Ils ramènent donc des animaux qui eux-mêmes se collectaient au travers de réseaux locaux, de capteurs qui ramènent des animaux en nombre important dans les points d'export vers l'Occident. Et puis ces animaux sont acheminés par bateau jusque dans les ports d'entrée européens, notamment à Marseille, à Lorient au XVIIIe siècle, vous avez Le Havre également, Londres, Bristol, etc. Et tous ces animaux, depuis les ports, sont drainés vers les eaux par un trajet qui est effectué soit par voie d'eau, notamment par voie intérieure, soit par voie de terre. 14h30, c'est l'heure de la grande foule devant le rocher des singes cynocéphales. Demandez des cacahuètes pour amuser les singes, 25 francs le paquet. 100 francs les 5 paquets. Tels les ilotes de Sparte, ils sont là, ces cynocéphales, pour montrer aux hommes civilisés l'image caricaturale de leur ridicule et de leur vice. Alors après, l'historiographie a établi une sorte de rupture qui a été située très précisément en 1907, quand Karl Hagenbeck, qui est un des plus grands marchands d'animaux, c'est quelqu'un qui expose aussi des humains, c'est un des grands acteurs de l'exposition des humains. Et à Stellingen, vous avez aussi bien des expositions d'animaux que des expositions d'humains dans une autre partie du zoo. Donc Hagenbeck n'est pas quelqu'un, c'est un entrepreneur qui n'est pas mu par des pulsions philanthropique, mais c'est un génie de la scénographie puisqu'il parvient à casser les codes avec ce zoo. C'est-à-dire que le paradigme encyclopédique, cette façon d'aligner les cages les unes à la suite des autres, va être remplacée à Stellingen par une exposition des animaux dans de vastes enclos qui ne sont plus séparés des visiteurs par des barreaux, mais par des fossés. Donc, il y a des enclos pour les lions, pour les girafes, etc. Et c'est quelqu'un qui, puisqu'il va en Afrique ou ailleurs et qu'il fait des captures, il connaît bien. Donc, il calcule ce qu'on appelle la distance de fuite, la distance qu'un animal, par exemple, peut sauter pour s'enfuir. Il suffit de faire un fossé plus large, de le remplir d'eau, et votre animal ne s'enfuit plus. Hein, il ne peut pas s'enfuir, et là, bah, vous ne mettez pas de barreaux. Et à l'époque, pour les gens, se retrouver devant un lion sans barreaux entre eux, un lion et simplement un enclos avec de l'eau, les gens ont eu l'impression qu'ils étaient devant un animal libre. Hagenbeck ne va pas pouvoir se départir tout à fait du prisme encyclopédique qui survit aux zoos jusqu'à ce jour. Et donc il va très tôt installer ce qu'il appelle la montagne des félins. Et donc c'est un rocher qui est en fait constitué de béton sur lequel il entend mélanger des lions d'Afrique et des tigres d'Asie. Donc on voit évidemment les limites scientifiques en plus de ce dispositif scénographique. Et cette monstration des tigres et des lions mêlés ne va pouvoir se faire que par l'entremise du dressage pour essayer de contenir les manifestations d'agressivité des animaux. Et puis le dressage lui-même va échouer à maintenir un semblant de discipline. Donc Hagenbeck va devoir retirer les tigres du rocher, mais sans faire cesser tout à fait les conflits, c'est-à-dire que vous avez un turnover des animaux très important, des entrées et sorties d'animaux à un rythme extrêmement soutenu d'entrées et de sorties, c'est-à-dire un remodelage constant des groupes des animaux. Les sociabilités animales, comme les nôtres, elles se construisent dans le temps et non pas dans l'instant. Donc le zoo demeure avec Hagenbeck, contrairement à ce qui a souvent été dit, puisqu'on a parlé d'une révolution Hagenbeck, un lieu de monstration encyclopédique, mais aussi un lieu violent pour les animaux. L'histoire du zoo, c'est aussi une histoire de la violence. Oui, il ne reste plus qu'un problème, ce que je vois, puisque nous nous trouvons en ce moment au zoo de Vincennes, devant l'entrée du rocher des éléphants, avec l'énorme caisse de Jumbo posée sur sa plateforme et qui attend d'être débarquée demain. Il va se poser le problème de sortir de descendre d'abord la caisse, n'est-ce pas ? Il faut descendre la caisse. La caisse pèse avec l'animal plus de 5 tonnes. Il faut la mettre au sol car elle est sur un camion. Oui. Et maintenant, il restera à présenter Jumbo à sa future compagne, la douce Micheline. Oui, mais ça, alors c'est une petite remarque à faire tout de suite. Et on peut en reparler d'ailleurs plus tard. C'est que Jumbo n'a jamais vu d'éléphant. Il connaît les hommes, il connaît les camions, il connaît des tas de choses, les grandes villes même, puisque somme toute, dans Yaoundé, à Douala, il a vu des villes, mais il n'a jamais vu d'éléphant. Il n'a jamais vu d'éléphant de sa vie. C'est donc très intéressant de voir comment il va se comporter vis-à-vis d'un congénère de son espèce. J'avoue que je viendrai voir. Oui, ça va être très amusant. Alors, les animaux sont en général capturés jeunes, et ces animaux ont l'avantage d'une plus grande malléabilité. Mais en même temps, souvent, ce sont des animaux qui ne sont pas sevrés. Donc, la violence, elle est là aussi directe, puisqu'il s'agit le plus souvent d'abattre les parents pour s'emparer des jeunes. Et puis, elle s'exerce sur les jeunes qui, non sevrés, sont sevrés de force et puis confiés à la garde humaine et à un environnement social, physique, radicalement différent, ce qui explique d'ailleurs que la majorité des animaux ne survivent pas à cette expérience. Bien, je vous remercie. Je voudrais vous poser une dernière question, docteur Nouvel. Est-ce que les animaux en captivité prennent des habitudes ou un comportement particulier ? Il est intéressant de capturer des animaux jeunes parce qu'ils s'adaptent mieux aux conditions de vie que nous leur proposons. Et nous avons des animaux qui, sur leur terrain, des ours ou d'un rhinocéros, qui auront pris l'habitude de faire un certain circuit sur leur terrain, sur leur parcours, qui ne mettront jamais le pied à côté. Non seulement cela, si vous ouvrez une porte de séparation entre deux loges pour changer, passer de l'une à l'autre, un rhinocéros qui n'a pas l'habitude de faire ce chemin peut rester 2 ou 3 jours sans boire et sans manger devant un seau d'eau et de l'avoine placé dans la pièce à côté, simplement parce qu'il ne veut pas prendre d'habitude. Et ce qui rend l'acclimatement très difficile, c'est d'arriver à faire prendre des habitudes. Par contre, les animaux dits plus intelligents, tels que les singes, les éléphants, réussissent non seulement à s'habituer à leur habitation et à leur terrain, mais encore à apprendre par eux-mêmes certaines mimiques qui intéressent le public et qui augmentent la générosité des visiteurs, l'éléphant ou le singe capturant davantage de cacahuètes ou de moutons en morceaux de brioche. Et le zoo du 19e siècle, en fait, dont les sources consultées, qui sont notamment établies par les scientifiques qui gèrent ces zoos, montrent un cheptel d'animaux déformés, une sorte de cheptel souffreteux, avec des animaux qui ont les corps véritablement tordus, de très nombreux cas de rachitisme et d'ostéomalacie, donc de ramollissement des squelettes pour des questions d'inaptitude de l'alimentation, pour des questions également de manque d'exposition à la lumière solaire et à la vitamine D. Et c'est un phénomène que les gestionnaires connaissent bien, mais aussi les scientifiques, et de nombreux scientifiques de l'époque victorienne recommandent de ne pas utiliser d'ailleurs pour certaines mesures les squelettes issus de ménageries et de zoos, puisque les animaux captifs présentent généralement des tailles et un développement inférieur à ceux présentés par les animaux chassés, donc abattus, eux, dans leur milieu. Ces cellules minuscules sont-elles celles d'une prison ou d'un asile ? C'est aussi un lieu qui contraint l'expression des comportements animaux. Et donc les animaux, pour faire face finalement à la captivité, développent au zoo un type de comportement très particulier, qui sont les comportements stéréotypiques, donc des comportements frénétiques, qui sont effectués sans fonction apparente et qui sont des comportements qui s'expriment uniquement en captivité, donc qui sont liés à la captivité. Donc pour vous donner un exemple de comportement stéréotypique, vous avez au zoo ces cas de félins qui arpentent sans cesse leur cage en revenant sans cesse sur leurs pas au point de creuser des sillons dans le sol, donc un mode de locomotion absolument radicalement frénétique. C'est une manière pour les animaux de gérer la captivité, de s'échapper en quelque sorte en eux. Il s'agit de marcher là où la fuite est impossible et de fuir quand même, de fuir en soi finalement en marchant sans cesse. Combien passent ainsi leur vie entière à tournoyer jusqu'à s'étourdir, s'abrutir, sans pouvoir jamais ni courir ni bondir? La mortalité en zoo, elle est extrêmement importante au 19e siècle et elle a un coût, notamment en termes de transport. Alors la démocratisation de la marchandisation des animaux est telle à ce moment-là que le coût des animaux n'est pas tellement élevé. Mais tout de même, les gestionnaires vont commencer à essayer de rationaliser les politiques d'approvisionnement et donc d'allonger la vie des captifs en fournissant aux animaux une meilleure alimentation, en veillant à assurer leur exposition au soleil alors que ce n'était pas le cas ou marginalement seulement avant, en essayant de donner davantage d'accès à l'air libre. Et là, Hagenbeck joue un rôle fondamental puisqu'avec ses panoramas, il encourage à sortir de la claustration du grand enfermement qui était imposé aux animaux et à les mettre à l'air libre, y compris des animaux des contrées exotiques ou des contrées exoticisées. Et donc ce développement hygiéniste-là, il va se centrer sur tous les aspects physiologiques et il va négliger les aspects comportementaux. C'est-à-dire qu'on pense, à partir de l'entre-deux-guerres et jusqu'aux années 1960-1970, qu'il est beaucoup plus sain de garder un animal dans un environnement complètement carrelé, vous voyez, sans accessoires, pour être sûr que ne se développent pas des maladies, des parasites qui profiteraient de coins mal nettoyés, etc. Donc à ce moment-là, on a un tournant hygiéniste qui permet d'allonger les vies des animaux, mais qui provoque un appauvrissement plus prononcé encore de leur vie sociale et de leur vie finalement mentale. Eh bien, il y a encore un autre animal, Monsieur Bullier, qui me paraît dangereux, le buffle. Et par exemple, celui qui paraît-il est devenu dangereux que nous avons connu tout petit. Maintenant, il a 5 ans, c'est Pascalet, le petit buffle du Cameroun que vous avez rapporté en 1948, je crois. Oui, je l'ai pris en consigne à la ferme de Mvogobetsi, aux environs de Yaoundé, à 7 km de Yaoundé. Mais c'était un animal délicieux, moi je l'ai connu, il donnait des petits coups de corne pour pousser, pour jouer. Il est magnifique, il est splendide, il a une couleur rouge et noire. C'est un animal extrêmement dangereux d'ailleurs, nous sommes obligés de l'isoler. Nous avons une femelle et son petit que nous sortons sur le plateau et nous les rentrons pour faire sortir Pascalet tout seul en liberté. Alors Pascalet, t'es toi aussi méchant, hein? Ah, parce que, hein, alors, je n'ai pas le méchant comme ça, alors. Et on va avoir à partir des années 1960 un tournant au zoo, qui est un double tournant. C'est à la fois un tournant décolonial, c'est évidemment le moment des décolonisations. Donc l'idée de ponctionner sans fin et d'extraire sans fin des ressources environnementales dans les colonies apparaît de plus en plus indécente. Et puis surtout, elle apparaît compromise aux yeux des gestionnaires qui craignent, et il exprime très clairement cette crainte de voir la manne, en particulier la manne de la faune africaine, leur échapper avec la décolonisation. Et donc les gestionnaires commencent à réfléchir à ce moment-là à d'autres modes d'approvisionnement en interne par l'élevage en captivité. L'image des animaux sauvages, je dirais en Occident, change vraiment autour du milieu du XXe siècle. C'est à partir de là que l'idée de respecter ces animaux tels qu'ils sont va vraiment se développer, et maintenant c'est imposé à tout le monde. Et donc en contre-coup, évidemment, c'est accentuer l'idée de zooprison. C'est ce qui fait que dans les années 60-70, les jardins zoologiques ont été beaucoup, beaucoup critiqués. Des jardins, d'ailleurs, ont fermé, à Marseille, par exemple, etc. Parce qu'on était justement dans cette idée qu'il fallait laisser les animaux chez eux, en liberté, les respecter, et donc arrêter d'amener ces animaux en prison en Occident. Et d'autant plus que jusqu'aux années 70-80, la mortalité était extrêmement forte. Alors là, on l'a vu, hein, les critiques envers le statut des animaux, elles ont toujours existé, même depuis l'Antiquité, mais là, le mouvement atteint vraiment une force critique. Pourquoi captivité? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial, nous les hommes et les femmes, de pouvoir avoir le droit de vie ou de mort ou de captivité à vie sur un animal qui n'a rien fait? Ça se fait dans tous les pays du monde. Les conditions de détention. Oui, mais je dis bien, conditions de détention. Voilà. Alors, nous détenons des animaux. Captivité et captivité. Il n'y a pas captivité et captivité. Monsieur. Il y a captivité. Bien. Et c'est le mot captivité pour un animal que je trouve abominable. C'est-à-dire que vous, Brigitte Bardot, vous dites, bon, alors plus de zoo. Bon, alors moi, je dis plus de zoo. Bon. Cri d'alarme, cri d'angoisse même lancé au parc zoologique de Thoiry par les membres de l'association La Licorne réunie autour de M. Jean-Pierre Danot, commissaire général au tourisme. Un bout de terrain, un peu de grillage, quelques animaux achetés chez l'un des nombreux marchands, une pancarte, et vous voilà directeur d'un parc zoologique, déclarait M. Michel Klein, vice-président du Conseil national de la protection animale, répondant aux questions de Loge Boissonnade. Et le monde animal constitue la vie, constitue la beauté de notre globe. Et si on détruit cela, eh bien nous-mêmes nous n'aurons plus rien et l'humanité elle-même sera compromise d'une manière définitive. L'homme envahit tous les espaces, ou disons un maximum d'espace qui est réservé aux animaux sauvages. De quel droit, homme, cette vie entière au cachot, cette solitude forcée qui rend malade, fou, débile, cette exploitation spectacle de la souffrance animale? Et le zoo est confronté alors à un double tournant, ce tournant décolonial et ce tournant éthique qui va l'obliger à se remettre en question pour ne pas disparaître. Et la remise en question va se faire par deux voies. Elle va se faire d'abord par un renouveau de l'économie animale des zoos, avec le passage progressif et lent à l'élevage en captivité. Et puis la deuxième phase du tournant, la phase éthique, elle va aussi être adressée à travers un souci de plus en plus marqué pour les individus captifs, notamment en développant des programmes d'enrichissement comportemental qui visent à remeubler les univers animaux que la captivité est vide. Et puis il y a eu une loi aussi qui est arrivée en 73, je crois, d'interdiction de prélèvement. Alors oui, le grand changement, effectivement, c'est l'interdiction des prélèvements qui rentre dans ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il faut préserver les animaux sur place, arrêter d'aller prélever. Alors ça a obligé les zoos à se lancer dans des plans d'élevage, hein, c'est-à-dire à faire se reproduire leurs animaux et à se les échanger pour pouvoir avoir un cheptel. Alors, se les échanger, pourquoi? Pour éviter limiter plutôt la consanguinité. La limiter seulement parce que, en fait, même à l'échelle mondiale, le stock d'animaux de zoo, de girafes par exemple, est relativement réduit. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve quand même pris avec ces problèmes de consanguinité. Mais donc, ça a obligé à se les zoos à se reconvertir et à finalement à développer une autre population d'animaux. Hein, depuis 1973, nous sommes en train d'inventer un troisième groupe d'animaux. À côté des animaux en liberté, je dirais pas sauvages, parce que ça ne veut plus dire grand-chose. Ces animaux sont dans leur culture, ce ne sont pas des êtres bruts. À côté des animaux en liberté et des animaux domestiqués, eh bien, vous avez cette troisième population d'animaux d'origine libre ou d'origine sauvage et maintenant en captivité et se reproduisant en captivité. Alors, ils ne sont plus libres, ils ne sont pas encore totalement domestiqués, ils sont entre les deux. Ils sont là pour qu'on les regarde. On les regarde. Marguerite Duras, 1966. Il y a ceux qui sont nés ici, au zoo. Pacha, 13 ans. C'est un jeune lion de 6 mois. Ah ouais. Il ne savait plus tuer. Ils ont dû lui réapprendre à tuer. Il voyait des animaux vivants, des chiens, des... Des lapins. Peut-être pas des chiens, des lapins, des petites biches. Mmh. Il le léchait, il savait plus tuer. Vous voyez, c'est bizarre, ça. Hein. La convention de Washington est en tournant, mais elle ne marque pas la fin de l'approvisionnement des animaux dans leur milieu. Et c'est d'autant moins le cas qu'il faut bien garder à l'esprit que l'économie animale des zoos varie considérablement selon les taxons, c'est-à-dire qu'il est évident que des mammifères protégés sont suivis et que les zoos, s'agissant des mammifères et en particulier des mammifères charismatiques, n'importent plus ou importent nettement moins à partir des décennies 1960-1970. C'est beaucoup moins le cas pour les reptiles, les amphibiens, sans parler des poissons et des invertébrés qui sont toujours capturés in situ pour une large part d'entre eux. Dans les années 70, c'est peut-être même 80, il y avait des tigres de Sibérie. Patrick, visiteur régulier de la ménagerie du Jardin des Plantes. Dans un espace, c'est ce que vous voyez là-bas. C'est impensable. Ils étaient plusieurs en plus. Des monstres de tigres. Ils étaient sages. Ils s'adaptaient. Vous, en tant que visiteur, vous vous disiez quoi quand vous voyiez ces tigres? Moi, je les admirais et puis je les plaignais en même temps. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est la dualité, vous savez, le zoo. Hein. Mais en même temps, voilà, ça permet de préserver des espèces qu'on est en train de foutre en l'air dans tout le monde entier. Vous savez, c'est la 6e extinction animale en ce moment, donc on essaie de se rattraper. C'est l'humain, comme je disais tout le temps, hein, qui chasse les baleines à tire-larigot, et puis quand il y a une baleine à sauver, vous avez des bateaux entiers qui viennent pour sauver une baleine. Et c'est la même espèce humaine qui fait ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette espèce de... on est schizophrène. Je vais vous dire une chose, j'ai terminé avec ça. La convention de Washington en 1973, j'avais 20 ans à l'époque et je pensais que ça allait tout arrêter, vous savez, parce que j'étais naïf. Ça n'a jamais été pire depuis la convention de Washington. C'est pas parce que c'est la convention de Washington, c'est que c'est pour dire que ça ne sert à rien. Les bonnes intentions d'un côté qui sont réelles par tout un tas d'êtres qui vont se battre pour sauver des animaux, et de l'autre côté, l'expansion humaine, c'est l'anthropocène aujourd'hui, hein. Vous savez, c'est l'époque de l'homme, c'est l'homme qui domine totalement. Et puis vous avez d'autres voies d'approvisionnement aux zoos, je pense notamment au trafic de reptiles et d'amphibiens. Les zoos deviennent aussi les réceptacles, et parfois bien malgré eux, du trafic de la faune qu'ils n'ordonnent pas. Donc quand on saisit 300 tortues à Roissy, les zoos français demeurent évidemment des refuges pour accueillir ces animaux du trafic. Et puis on voit aussi un regain des captures au nom de la conservation des animaux, puisqu'en attendant, avec l'élevage en captivité, s'impose aussi l'idée que le zoo devient un lieu de conservation des animaux. Donc l'enfermement des animaux devient une manière, dans ce monde de plus en plus anthropisé, de les protéger. Et la mise en place de programmes de conservation pour des espèces menacées implique régulièrement de nouvelles captures qui sont alors conduites de manière tout à fait différente, c'est-à-dire que le zoo développe des programmes en concertation avec des institutions internationales de conservation et des scientifiques. Donc le mode de capture a changé, mais la capture n'a jamais disparu du zoo. Oui, c'est par là, messieurs, dames. C'est par là, vous continuez tout droit. Ah oui, il y a rhinocéros. Alors. Ah, je vois l'autre d'ailleurs là-bas. Hein, ah oui. L'autre rhinocéros. D'accord, bravo. Bien. Donc ça, ce sont des rhinocéros noirs. Les rhinocéros, leur nombre est remonté, je crois, au-dessus de 5000 aujourd'hui, mais ça reste extrêmement fragile, c'est pas grand-chose, quoi. Surtout s'il n'y a aucun contrôle sur le braconnage. Dans les années 80, c'était l'espèce la plus commune en Afrique, et il y en avait sans doute autour de 50 000. Et d'un seul coup, au Kenya en particulier, qui abritait la plus grosse population, ils ont été massacrés sous le couvert des autorités, et ils ont failli disparaître. Je crois qu'au Kenya, il en restait quelques dizaines seulement. Aujourd'hui, les populations sont montées, mais ça, c'est la sous-espèce de l'Est. Et je crois que ça représente 600 ou 700 individus dans la nature, c'est tout. Et leur nombre remonte tout doucement, mais actuellement, il y a une pression de nouveau des Chinois pour la viande de brousse, qui est énorme et qui est malheureusement tolérée par les autorités. La corruption des autorités dans certains pays, c'est compliqué. Donc, on peut se mettre là. Je ne sais pas, où on se met à la terrasse des girafes, vous voulez qu'on se mette où? Oui. Encore une fois, c'est mon histoire que je raconte. Hein. Bonjour. J'en ai pris plein la gueule quand j'avais 15 ans. Les mecs qui visitaient le zoo qui me disaient « Mon père, c'est une ménagerie, qui est assez minable. » Moi, je trouvais que mon père, il avait trouvé cet endroit formidable et qu'il recueillait les buses et les hérons le lundi. Donc, c'était... Voilà, il avait un refuge d'animaux. Pourquoi pas, dans le fond, c'est... Mais c'était un refuge d'animaux ou... Là, c'était un refuge, vous voyez bien, il achetait pour d'animaux. Donc, on nous ramenait ces animaux le lundi. On nous les donnait quand des gens revenaient du Tchad ou d'Algérie avec un fouet de queue, un fennec ou un singe attaché à une chaîne. Donc mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait la chaîne au bout d'une branche et puis ils ont été comme ça pendant quelques années parce qu'il s'est dit, voilà, il avait pas d'autres moyens que de les garder comme ça. Quoi. Là, on a un animal extraordinaire qui s'appelle la gazelle d'Ama. C'est la gazelle du Sahara. Et quand on a conçu cet enclos pour les rhinocéros avec mon fils, on avait vraiment l'idée d'avoir ces gazelles avec eux. Sauf que dans la nature, il y en a moins de 100, trois sous-espèces. Alors il y a une sous-espèce au Sénégal qui a disparu dans la nature, une sous-espèce au Niger, il y en a une quarantaine, et une sous-espèce au Soudan, il y en a pareil, une quarantaine. En captivité, il y en avait quelques-unes, et donc on nous a dit, on va vous en donner quand on en aura, donc on nous a donné trois mâles. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, on nous a envoyé 8 femelles, donc on a un mâle et 8 femelles, et vraiment tout le monde est ravi, parce que c'est un animal extrême, c'est la plus grande des gazelles, et ce sont des animaux capables de survivre dans les pires des sécheresses sans boire, en se récupérant l'humidité des feuilles. C'est très très beau. Je disais qu'il restait moins de 100 individus de cette espèce de gazelle d'Ama au Sahara. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années encore, au Niger et au Mali, les avions venant des Émirats Arabes Unis se posaient en plein désert. Ils fabriquaient des pistes pour tirer les gazelles, en faire de la viande de brousse. La viande, elle était revendue des milliers de dollars le kilo dans les Émirats Arabes Unis. Donc malheureusement, ils ont fait des dégâts et des massacres terribles de ces gazelles. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Trop belle, ma gazelle. Elle a un joli petit ventre, celle-là, des noms. Je sais pas si on... Non, de toute façon, elles ont toutes un beau ventre. Celle-là, c'est une licorne. François Guay, je suis le directeur du bioparc. Troisième génération, je suis venu rejoindre mon père et travailler dans l'entreprise en 2003. Je suis né ici, j'ai vécu toute mon enfance. Et quand on est petit, c'est évidemment un rêve de pouvoir vivre aux côtés des animaux, mais dans un environnement aussi naturel, c'est complètement fantasmagorique. Donc ça m'a beaucoup inspiré. On a la chance d'être dans ce site troglodytique. Au départ, c'était 4 carrières creusées fin du 19e siècle, tout début du 20e. Et dès le départ, mon grand-père a tout fait pour protéger la végétation spontanée qui s'était développée après l'abandon de l'extraction de ce calcaire. Donc le lierre, les clématites sauvages, les arbres tordus qui devaient se démerder pour sortir de ces espaces à l'ombre. Tout ça, ça avait du sens, quoi. Et ça l'a inspiré. Donc au début, certes, il a aménagé dans la première carrière, celle où aujourd'hui on présente les okapis, Il a aménagé des petits parcs et des cages. C'était des installations de ménagerie, tout début des années 60. Mais ça n'a jamais, à aucun moment, resté figé. Ça, je pense qu'il a eu cette prise de conscience. Et il a surtout su écouter mon père, qui l'a rejoint au début des années 70, qui a tout fait pour développer le zoo de Douai à l'époque, vers cet état de nature et de cadre adapté à l'accueil et au bien-être des espèces. Quand mon grand-père l'a attrapé par le pantalon en l'arrêtant dans ses études, parce qu'il n'a pas eu le choix, lui, il s'est dit « Merde, je ne vais pas quand même être gardien de zoo toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Dès le départ, cette idée-là, ça ne lui plaisait pas. Il s'est dit « Non, il faut vraiment en faire quelque chose. Il faut qu'on soit utile. » Il a pu rencontrer très tôt des personnalités qui l'ont inspiré. Alors, il y a une personnalité dans le milieu zoologique qui s'est très vite engagée dans la préservation des habitats, des espèces menacées. C'était Gérald Durel, qui a fondé le zoo de Jersey, qui est aujourd'hui un parc zoologique qui est toujours une référence, avec une fondation qui agit beaucoup pour in situ dans les habitats d'origine des animaux. Et puis ensuite, il a rencontré une diversité de personnes qui sont venues ici et qui l'ont inspiré, dont des naturalistes, des ornithologues, enfin, des gens qui l'ont dit bah, « Tiens, attends, c'est fantastique, pourquoi tu ne présenterais pas telle espèce ici ?» C'est allé très vite, parce qu'en fait, je pense qu'il est resté très perméable aussi à l'époque. C'était quand même un choix de ne pas acheter d'animaux. Je suis en train de me demander si à un moment particulier, il a acheté des animaux. Il avait acheté quelques serpents à une époque, parce que Thoiry venait de se créer, fin des années 60, dans ces moments-là. Et du coup, ça avait été un choc pour lui. Il ne pensait pas qu'on pouvait mettre ses animaux en liberté, tout ça. Et comme ici, on n'avait pas les moyens, parce que c'était tout petit, notre affaire. Oh, il s'est dit, on va... Oui, je sais pourquoi. On avait un gros serpent. On avait dans un vivarium un énorme serpent. Et il s'est dit, ça, c'est un truc incroyable. Les gens sont tellement curieux de ces animaux. On a peur des serpents en général, mais eux, ils ne sont pas bien agressifs. Donc, on va trouver un endroit. Il a acheté la carrière d'un voisin. Et tous les étés, pendant 6 ans ou 7 ans, on a mis des serpents en liberté. Alors on les lâchait en fin de matinée, quand le soleil commençait à chauffer, pendant l'été, juillet-août. Hein. Et puis on les rentrait le soir, quand il ne fallait pas les chercher dans les arbres. Et ça aussi, ça a été une expérience enrichissante pour moi. Ça nous enlevait plus de clients que ça nous en amenait. Hein, donc, mais sinon, on n'a pas vraiment eu besoin d'acheter beaucoup d'animaux. Et donc quand je suis arrivé, ce qui était intéressant, c'est qu'avec mes études, j'ai pu apporter peut-être une vision un peu plus large sur la notion des habitats, et sur cette nécessité d'innover pour présenter les animaux de façon encore plus immersive. Oui, très bien. Penchons-nous à travers l'ombre où nous étouffons sur les douleurs d'en bas, vaguement appelantes, et sur les pas confus des inconnus profonds. L'animal, c'est de l'ombre errant dans les ténèbres. On ne sait s'il écoute, on ne sait s'il entend. Il a des cris hagards, il a des yeux funèbres. Une affirmation sublime en sort pourtant. Oh, c'est pas là. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie sans voir l'extérieur, pas à Douai-la-Fontaine. J'étais là, dans ces carrières, sans voir autre chose. Quoi. À regarder mes animaux chaque matin, à me demander comment je pouvais faire pour qu'ils reproduisent ici, si ça allait, encore une fois, servir à quelque chose. S'il n'y a pas là-bas, au bout du monde, en Indonésie, en Colombie, un mec qui regardait, pas le même animal, mais un individu de la même espèce que moi, puis qui avait envie de faire quelque chose. Quoi. J'ai du pot derrière moi, ma femme, mes enfants, tout le monde m'est suivi. J'ai une bonne santé, je suis costaud, je peux manger n'importe quoi, je peux dormir dans un tronc d'arbre. Donc ça aide aussi, ça. C'était De la ménagerie au parc zoologique, un documentaire de Myriam Prévost réalisé par Anne Pérez-Franchini, avec Violette Pouillard, Éric Baratet, Michel Saint-Jalme, Valérie Chansigaud, Pierre et François Guay. Lecture du poème « À Georges » de Victor Hugo, Thibaut Patin. Documentation et archives INA, Antoine Villoz, Samantha Schmitt et Annie Signoret. Mixage, Bernard Lagnel. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Carreau. Thank you.